Une nuit enfin, ne sachant plus qu'inventer pour la faire souffrir davantage, il ordonna de se lever et d'aller attendre le jour sous la pluie, devant la porte. Comme elle n'obéissait pas, il la saisit par le cou et se mit à la frapper au visage à coups de poing. Elle ne dit rien, ne remua pas. Exaspéré, il sauta à genoux sur son ventre et, les dents serrées, foudrage, il l'assommait. Alors, elle eut un instant de révolte désespérée et d'un geste furieux, le rejetant contre le mur, elle se dressa sur son séant, puis, la voix changée, sifflante. « J'en ai un, éphant, moi, j'en ai un. Je l'ai eu avec Jacques. Tu sais bien, Jacques, il devait m'épouser. Il est parti. » Le bonhomme, stupéfait, restait là, aussi éperdu qu'elle-même. Il bredouillait. « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis ?» Alors, elle se mit à sangloter, et à travers ses larmes ruisselantes, elle balbutia. « C'est pour ça que je ne voulais pas t'épouser. C'est pour ça. Je ne pouvais point te le dire. Tu m'aurais mis sans peine avec mon petit. Tu ne l'as pas, toi, défends. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. » Il répétait machinalement, dans une surprise grandissante. « T'as un éphant, t'as un éphant. » Elle prononça au milieu des hoquets. « Tu m'as prise de force, tu le sais bien peut-être. Moi, je ne voulais point t'épouser. » Alors, il se leva, alluma la chandelle et se mit à marcher dans la chambre, les bras derrière le dos. Elle pleurait toujours, écroulée sur le lit. Tout à coup, il s'arrêta devant elle. « C'est de ma faute, alors, si je t'en ai pas fait, » dit-il. Elle ne répondit pas. Il se remit à marcher. Puis, s'arrêtant de nouveau, il demanda « Quel âge qu'il a, ton petit-haut ?» Elle murmura « V'là qu'il va avoir 6 ans. » Il demanda encore « Pourquoi que tu me l'as pas dit ?» Elle gémit « Est-ce que je pouvais ?» Il restait debout, immobile. « Allons, lève-toi, » dit-il. Elle se redressa péniblement. Puis, quand elle se fut mise sur ses pieds, appuyée au mur, il se prit à rire soudain de son gros rire des bonjours. Et comme elle demeurait bouleversée, il ajouta « Eh bien, on ira le chercher, Stéphane, puisque nous n'avons pas fait ensemble. » Elle eut un tel effarement que si la force ne lui eût pas manqué, elle se serait assurément enfuie. Mais le fermier se frottait les mains et murmurait « Je voulais en adopter un. Le voilà trouvé, le voilà trouvé. J'avais demandé au curé, un orphelin. » Puis, riant toujours, il embrassa sur les deux joues sa femme et pleurait stupide et il cria, comme si elle ne l'entendait pas « Allons, la mère, allons voir, c'est encore de la soupe. Moi, j'en mangerai bien une potée. » Elle passa sa jupe, ils descendirent. Et pendant qu'à genoux, elle rallumait le feu, sous la marmite, lui, radieux, continue à marcher à grands pas dans la cuisine en répétant « Eh bien, vrai, ça me fait plaisir. C'est pas pour dire, mais je suis content, je suis bien content. »